N'était méchant, n'était le serpent, n'était vilain, il sifflait. L'anaconda coquin était méchant avec son whisky, hein. Les médias ne parlent que de ça. L'angoisse a pris le pas sur l'été. La bête, on l'appelle comme ça, alimente les débats journaliers. Aucune trace de pas n'a été décelée. La bête se joue des policiers. La victime n'est pourtant pas, non, une horreur sanglante inventée. Les débats s'alimentent tous les jours de témoignages de plus en plus incroyables, de plus en plus étranges. La bête fait parler d'elle sans aucune limitage. Le crime n'inquiète pas la presse, il l'arrange. La victime était, d'après les dires, méconnaissable. L'enquête est bloquée comme une chip dans le sable. Le crime est digne des pires délits, loin d'une fable. Personne ne souhaite rencontrer le coupable. Pendant ce temps, la bête ondule sur un ampli. Les basses tabassent et le squamat s'en réjouit. Le ventre plein, il faut s'y faire. QSMC, QSMGR. Il fait un gros bidon.